Bonjour, 23 juin 2022. Ça va être un petit direct très court. Est-ce que vous m'entendez? J'aurais besoin que quelqu'un me dise si vous m'entendez. Donc, s'il n'y a pas de son, dites-le moi. D'accord? Donc, je vais l'écrire là. Que vous m'entendez? Très important là. Est-ce que vous m'entendez? Il n'y a pas grand monde là. Il n'y a personne encore. Donc, je voulais savoir, est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Donc, m'entendez-vous? Y a-t-il du son? Ce serait intéressant que quelqu'un me réponde. Non? Bon, il n'y a personne. Moi, j'ai pas beaucoup de temps matin. S'il n'y a personne, m'arrêter ça là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire s'il y a du son? Bon, il y a quelqu'un qui me met un pouce, mais est-ce qu'il y a du son? Y a-t-il du son? Donc, j'attends votre réponse. Oui, bon. Il y a du son. Excellent. Bon, parfait. S'il y a quelqu'un. OK, oui, on entend. Bon, excellent. C'est parce que mon ordinateur, il faut que je branche mon micro à une autre place. Parce qu'il y a quelques jours, il a revolé sur le mur l'ordinateur, puis j'ai des. En tout cas. Oui, bon matin. Bon matin à vous tous. Donc, vous. Ça va bien, ce que je peux pas faire un live longtemps. On a peut-être une demi-heure, 20 minutes. Donc, ben oui, je suis quand même content, là. Je suis touché par vos messages de sollicitude. C'est certain que ça m'a donné tout un coup. Je pensais pas être. Je pense, c'est inconcevable, je pensais pas que ça arriverait. Même mes voisins ici dans le bâtiment, la plupart des gens sont, ils comprennent pas ce qui est arrivé. Ça. Il y a beaucoup de mes voisins qui sont très en colère. Mais moi-même, hier, là, j'étais en colère pas à peu près. Là, le gars là, avec son teint bordure, là, je pense qu'il s'est jamais fait engueuler comme ça dans sa vie. Il sauvait de moi. Moi, j'ai couru après autour du bloc. Mes voisins ont pu voir ça, là, que je criais après un gars, je criais par la tête, je le traitais d'imbécile. Puis que j'ai il me sauvait de moi. J'ai couru quasiment autour du bloc après. Mais ben franchement, j'en ai été physiquement malade hier. Carrément. Mais là, c'est certain. Je me rendais pas compte à quel point ça pouvait me rendre vulnérable, ça. Ben, j'ai touché chaque petite pouce. Avec mes mains, j'ai vu l'évolution de chaque petite chose. Puis je pensais pas que ça allait créer un lien où c'est ça quand on est. Je suis rendu peut-être un petit peu sensible. Vraiment, là, je pensais pas que ça me ferait quelque chose comme ça. Là. Je pensais même pas. Mais oui, là, ça m'a affecté. J'ai eu de la difficulté à dormir. J'en ai été malade. J'ai les hauts le cœur. Puis. Bon, en tout cas. Finalement, là, va falloir passer à d'autres choses. J'ai juste décidé, bon, ben, je vais laisser faire ça. Ça fera pas partie de mes activités cette année. Donc, mais c'est pas plus grave que ça, là. On n'est pas pour en faire un drame plus que c'est. Mais ouais. Mais bien franchement, bonjour Frédéric. Bien franchement, là, même l'employé qui a fait ça aujourd'hui, le revoir, je m'excuserais, là. J'ai été vraiment dur avec lui. Je pense bien qu'il a eu peur pour vrai. Je pense qu'il a été shaké pas mal. Je pense qu'on ne le reverra plus. Donc, bizarre, on fait jamais mal aux mauvaises personnes. Toujours aux bonnes. Ben, ça dépend. On fait mal à tout le monde. Qu'ils soient bonnes ou mauvaises. Puis même là, est-ce qu'on peut catégoriser les gens en bons, mauvais? Je pense pas. L'affaire, c'est que, ben, c'est ça. J'ai eu affaire à quelqu'un qui est comme pas là, là, qui regarde pas ce qu'il fait, puis. En tout cas, je pense, ça avait l'air d'un quelqu'un qui a eu la vie difficile, qui a eu la vie difficile, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir affaire à une espèce de drogué ou de gars qui est peut-être allé en prison. Puis, mais là, c'est sûr, hier, j'étais tellement en colère. Il se sauvait. Il a dû se rendre compte qu'il avait affaire à un fou. Ça a dû lui dire intérieurement, du gars-là, c'est un malade. Bon, en tout cas, vous n'êtes pas de mauvaise personne. Ben non, j'ai jamais pensé ça. Je catégorise pas les gens en bons ou mauvais, donc je vais pas non plus me catégoriser là-dedans. Bonjour Steve. Je comprends votre désarroi. Le jardin est un des derniers endroits qui me relie au sol, et voilà. Ben, c'est important là, d'être dans le concret. C'est pour ça que j'aime ces choses-là, de vous rester. Bonjour Jean. Donc, oui. Mais ben franchement, là, je commence à envisager possiblement, là, de partir d'ici. Parce que, bien franchement, c'est pas la seule chose, là, ici qui est dérangeante. Bon matin, Angélique, Angélique. Donc, ben oui, sans m'en rendre compte, je pensais que je m'étais aménagé à un endroit qui était à mon avantage, puis au fond, je m'étais aménagé de la vulnérabilité. C'est comme si, sans m'en rendre compte, là, j'avais créé un endroit où je prêtais flanc à des attaques sans. Possiblement que c'est souvent comme ça. Peut-être qu'il va réaliser de quoi un choc et toi, il va falloir partir moins. Ben, j'y pense, là, mais vous savez. C'est difficile de trouver un bel endroit de nos jours. C'est de plus en plus difficile. Bon, en tout cas, oui, je l'envisage. Le vent souffle sur tout le monde de la même façon. Tout dépend de notre façon d'encaisser. Moi, mais l'affaire, c'est que je suis devenu très, très sensible à certaines choses. Puis, comme je vous dis, sans m'en rendre compte, en prenant soin de chaque petite pousse, puis d'une certaine façon, j'ai. C'est un peu comme si ça devenait des parties de moi. Donc, au niveau de mon âme, j'étais vulnérable. C'est vraiment une affaire d'âme, ça, dans le sens que, bon, ben, j'ai touché chaque petite pousse, c'était devenu comme une part de moi. Donc, je l'ai vraiment senti comme si on m'avait amputé, carrément. Puis finalement, bon, ben, j'ai passé une très mauvaise nuit. Une très mauvaise nuit, vraiment, là. Mais bon, c'est pas grave, là. Va falloir s'en remettre. Viens rester à Joliette. Ah non, merci. Non, merci. Il fait trop chaud dans votre coin. Ce qui est une des choses qui est étonnante, bonjour Marie-Pitte, c'est que ici, l'été dure à peine 2 mois. C'est long, c'est très long avant de. Les Laurentides, ah non, merci. Il y a bien trop de monde. Il y a bien trop de gens spirituels dans les Laurentides, hein, autour des montagnes. Il y a toujours beaucoup de gens spirituels. Moi, ce que j'aime, c'est les hauts plateaux plats, la forêt boréale, l'austérité de la forêt boréale, les grandes épinettes noires, puis ces choses-là. Ah non, merci. Ben, vous savez, là, les Laurentides, il y a beaucoup de sectes par là, puis du monde spirituel pas mal, puis il y a toutes sortes d'affaires, il y a beaucoup d'excentriques. J'ai pas envie d'aller vivre là. J'ai pas envie d'aller vivre là. J'aime beaucoup ma région parce que c'est des gens très simples, très dans le concret des choses. Ils se cassent pas la tête, puis ils ont pas d'idées, des choses très, très nouvel âge, et on n'a pas beaucoup par ici. Par contre, je vis à vivre avec les désagréments de ça, c'est que de vivre avec des gens peut-être un petit peu plus brusques, un petit peu plus des prolétaires, peut-être du monde un petit peu moins sensible. Secte ou insecte, moi, voilà, faut pas non plus. Il y a des gens, ils vont être un bout de temps dans des choses comme ça, puis à un moment donné, ils sortent, puis ils ont plus la même naïveté après. C'est pas une mauvaise chose, mais moi, j'ai pas envie de passer par là. Mais non. J'aime pas la vibration des Laurentides. Je vais être franc avec vous, là, je suis très bien au nord. Puis, même que possiblement que, bon, à 30 km du fleuve dans la plaine, moi, c'est vrai beaucoup, je suis à côté de Val-David, c'est intense. Moi, je fais mes affaires, ben oui, mais. J'aime beaucoup ma région. J'y suis très attaché. C'est peut-être une des choses que je vais devoir surmonter, mais j'ai pas l'intention de partir d'ici. Ben, peut-être de l'appartement, là. Ben oui, ça, c'est sûr. Je sais ce que je veux. Je sais aussi. Donc, par définition, je sais ce que je veux pas. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'avait écrit, il dit, on peut pas aller à gauche puis à droite en même temps, c'est soit un, soit l'autre. Puis j'ai répondu, j'ai dit, c'est ce qu'on appelait anciennement la fourche de Pluton. Vous savez, Pluton qui était représenté avec une fourche à deux dents, représente la polarité notamment du destin. Puis c'est quoi une des caractéristiques de Pluton? C'est que il est inflexible. Mais j'ai pas envie de voir les choses comme ça. Donc, on en a ton choix. Bon. Ben, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Ben, moi-même, je n'ai pas le choix. C'est une illusion, le choix. Ben, si les événements me forcent à partir, ça va être que les événements m'ont forcé à partir. Hein? C'est pas que je pas. J'ai de la difficulté avec des températures différentes un petit peu. Ici, il fait plus froid, comme en ce moment, ce matin, là. Les gens sont pas en culotte courte dehors. Mais c'est certain que quand j'étais enfant, j'allais des fois en vacances à Montréal, chez la mère de mon père, ou j'allais dans le coin de Sorel, à Saint-Ours. Puis j'avais tellement de difficultés à tolérer la chaleur, ça m'a laissé des souvenirs de. J'ai de la difficulté avec la chaleur. Même des fois, je me dis, bon, ben, quand on parle de réchauffement climatique, je vois ça parce que c'est comme si on me faisait des menaces, là. Que le monde allait être de plus en plus inconfortable pour moi. Donc, mais non, mais là, je suis pas pour aller vivre aux quatre coins de la province non plus. Pour des choses comme ça, c'est pas assez. De toute façon, le prix des choses là-bas est un petit peu plus cher que par ici. Puis, bon, je pas. Vous savez, j'aime bien ça, les Laurentides, c'est beau. J'aime beaucoup les forêts qu'il y a par là, mais je ne me vois pas vivre par là. Puis il y a une chose que vous ignorez peut-être sur moi, c'est que moi, je ne conduis pas. Je n'ai jamais conduit. Je suis tellement réactif au niveau là, de mon système nerveux que j'ai beaucoup de difficultés. J'aurais beaucoup de difficultés, ça me rend nerveux. Ça me rend nerveux. J'ai déjà conduit, mais j'avançais tellement lentement que je dérangeais tout le monde. J'ai pas confiance. Si on avait encore des chevaux, là, je me promènerais en voiture, mais là, les machines, là, j'ai bien de la misère avec les machines. Je me suis jamais bien entendu avec les machines. Notamment, j'ai souvent des petits avaries techniques avec tout ce qu'il y a de l'électronique. Puis les voitures de maintenant. En tout cas, mais je suis pas pour aller. Je suis pas pour me ramasser avec une vieille affaire de collection qui va me coûter une fortune juste pour pas avoir. En plus, il n'y a même pas l'air climatisé, là, ces vieilles choses-là. Mais non, mais je me vois mal dans les Laurentides. Hein. Je me promènerai comment? Tandis qu'ici, ben, j'ai pas de problème, je fais tout à pied. Je suis quelqu'un qui marche énormément. Je vais tout le temps essayer de me placer à un endroit où je peux tout faire à pied. Mais là, les Laurentides, c'est un petit peu. À moins d'aller dans un petit village, là, Sainte-Marguerite. Sainte-Marguerite, j'ai l'impression qu'il y en a qui savent. N'y a pas Bernard qui a eu un. Qui a eu une petite maison par là, justement pour avoir son petit jardin. Puis, ah non, hier, c'était plus Bernard, les voisins. Vous savez, là, la pièce, les voisins, là, quand il y a un char qui rentre dans la haie. J'étais dans cet état-là, carrément. J'étais tellement choqué. C'était un peu. Non, c'était un peu comme un. On le sait un petit peu sans vouloir minimiser. Faire des comparaisons peut-être exagérées, mais c'est un peu comme un viol. Je l'ai vraiment pris comme une intrusion, mais en tout cas. Harry Mouski, ah oh non, merci. Non, merci. Tous les 5 ans, vous changez le continent. Ah, je sais pas ce que vous voulez dire. Ben oui, mais il y en a bien du monde, ils ne me connaissent pas en personne. Vous ne savez pas à quel point j'ai mauvais caractère, à quel point je suis quelqu'un de rigide sur certaines choses. Avec le temps, je deviens de plus en plus inflexible, je deviens de plus en plus intolérant. Puis j'ai un caractère de plus en plus difficile, vraiment, là. Asie, Europe, Amérique. Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez dire par à tous les 5 ans changer le continent? Moi, je me vois pas non plus. Je suis pas je suis quelqu'un d'assez sédentaire. J'aime ça être établi au même endroit. Puis j'aime pas voyager. J'aime pas faire des voyages. J'ai horreur de ça. Même ça arrive, c'est arrivé souvent. Des gens voulaient que j'aime promener. Puis non. Ouais. J'ai écouté dernièrement l'audio de Bernard concernant l'Antéchrist. Selon toi, il est déjà là ou pas? Ça dépend de quoi on parle. Parce que lui, quand il dit ce personnage, mais moi, je considère qu'il est déjà là. Mais je suis pas sûr. Et la Suisse? Ah, la Suisse, moi, ben de toute façon, savez-vous comment c'est difficile ici d'avoir un passeport en ce moment? J'ai jamais eu de passeport. Les fois où j'ai voyagé, je suis allé aux États-Unis. C'est le plus loin que je suis allé. Puis je suis pas allé très loin. Je suis allé en Nouvelle-Angleterre, dans le Maine. Puis j'ai été très choqué par la pauvreté là-bas. Je m'attendais pas à ça. Mais ça fait longtemps, là. Je pense que c'est Bill Clinton qui était président dans ce temps-là. Mais non, la Suisse, c'est sûr que c'est un bel endroit, mais si vous saviez les inimitiés que j'ai par rapport à la Suisse, autant que pour le Canada, donc ça ferait pas un gros. Mais la Suisse, quel bel an, quel beau pays. Ce que j'aime moins de la Suisse, c'est ce qui est la Suisse. Je parle notamment par rapport à l'Union européenne, là, puis même s'ils sont restés à part, puis tout, disons que ce sont des. Il y a beaucoup de. C'est un peu on dit que on dit qu'au fond, le gouvernement de l'Union européenne est à Bruxelles. En est-on aussi certain? Moi, je pense qu'il est en Suisse. Il est de plus en plus à Davos. Pour ne pas dire que peut-être le gouvernement de la Suisse est de plus en plus à Davos, mais pour pas dire à Washington et ailleurs aussi. On vit de plus en plus dans un monde qui n'a pas de frontières à ce niveau-là. C'est ça, les nations, ça veut plus dire ce que ça voulait dire. De toute façon. Mais par rapport là, prenez par exemple au Canada, il est de plus en plus difficile d'avoir un passeport, puis on dirait que c'est voulu. Comme là, il y a un problème grave au niveau de l'émission des passeports, des problèmes techniques graves, puis Trudeau s'en fout, il laisse sa ministre de porter le chapeau, puis lui, il s'en va se promener au Rwanda. Je ne sais pas ce qu'il va faire là. Possiblement qu'il va apprendre comment gérer les non-inoculés. Il y a des petites techniques par là qui ont fait leurs fruits. Non, mais sans mauvaise farce, pourquoi vous pensez qu'on fait tout pour nuire aux gens qui veulent des passeports papier? Parce que on va s'en aller de plus en plus vers des passeports non papier. C'est tout simplement ça. C'est encore de se faire enfoncer dans la gorge des choses, des projets. Puis finalement, la ministre Trudeau, elle porte le chapeau. Puis bon. Prenez Arruda, là, il porte de plus en plus de chapeaux, n'est-ce pas? Une retraite très intéressante qui s'en vient pour lui. Et je pense qu'il ne manquera pas d'action. En Suisse, vous pouvez aller dans les endroits où il parle français. Oui, je sais. Ah oui, mais voyez-vous aller dans un coin où ça parle allemand? Voyez-vous m'en aller en Hollande essayer d'apprendre le néerlandais? Moi, je me sens un petit peu vieux pour ça. Bien le bonjour, la blette du CERN. Ah oui, ok. Bonjour, content de te voir. Bonjour, Todd. Denis Solange, Richard Jourdain. Antéchrist, un personnage ou un conglomérat, une société, etc. Il va y avoir un personnage qui va être une synthétisation de conglomérat. Je pense qu'il est là dans le sens que c'est quelqu'un qui est vivant, qui est au monde. Mais pas nécessairement que ça a été mis en public encore déjà. C'est pas nécessairement encore un personnage public. Mais même là, moi, j'ai pas de certitude, là. Ici, dans le Morbihan, 4 à 6 mois pour un passeport. Ah oui. Ben, vous voyez, c'est pareil partout en Occident. Moi aussi, je deviens un vieux Christ. Ah bon, ben, vous voyez, on est bien parti. On va réussir. La carte d'identité est-elle une pastille au milieu de la gorge, sur le chakra de la gorge? Ah, vous parlez en Europe, oui, ils mettent la puce là, hein? C'est sûr que personnellement, moi, je considère qu'il n'y a pas de hasard à ce niveau-là. Parce que vous avez si on divise le corps en cercles, vous font part du vertex, là, ça fait un cercle parfait jusqu'ici. Après, du front jusqu'à l'épigastre. C'est deux cercles emboîtés parfaitement. Puis oui, c'est certain que ça peut avoir un effet. Mais vous savez, juste le numéro d'assurance sociale, si on considère certaines lois qui étaient connues par les Égyptiens, entre autres. En tout cas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient si avancés que ça, là, ces gens-là. Au contraire. Prenez, il y a longtemps en Europe, dans certains coins, on sacrifiait des gens à des arbres. Puis aujourd'hui, on est en train de vouloir dépopuler pour sauver la nature. Est-ce que les gens se rendent compte que c'est les mêmes forces liées à l'inconscience collective qu'il y a là-dedans, que c'est les mêmes forces qui reviennent? Je ne suis pas sûr. Ils les ont pas vus. Il y a des millénaires. Pourquoi ils le verraient maintenant? Donc, bonjour, Sosodas. Ouais, Paris, exact. Alors, pourquoi on s'incarne? Quel est le but? Ben oui, mais c'est l'évolution. Pas l'évolution au sens darwiniste social. L'affaire, c'est que l'âme est incapable de se corriger elle-même, donc il faut qu'elle intègre de l'expérimental. Donc, on s'incarne dans la matière pour expérimenter. Prenez le terme expérimental, c'est comme une expérimentation du mental, si on peut dire, à travers la perception, dans l'incarnation, donc l'espace-temps. Donc, accumuler de l'expérience, enregistrer de l'expérience pour la vieille excuse de l'évolution des âmes. Je sais que ça peut paraître simpliste, mais pourtant, si on regarde derrière, on se rend compte que ça complique tout. Donc, bonjour. Alors que je faisais la démarche pour en changer, des gens de la mairie de Libourne s'étaient moqués de moi car j'avais viré la pastille de la carte d'identité. Ben oui, mais c'est toujours comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a des forces sociales de conformisme qui vont essayer de vous créer de la culpabilité, de vous humilier, afin que vous vous conformiez. C'est toujours le même genre de pression, c'est toujours les mêmes genres de forces sociales qui vont agir en ce sens-là. C'est parce qu'au fond, eux font partie d'une façon de penser collective. Puis que vous ayez fait ça vient les insécuriser dans leur identité collective. Quelqu'un qui n'a pas une identité réelle qui lui est propre, il va s'identifier comme ça à des idées, entre autres, et à des façons d'agir. Donc, c'est normal que ce soit moqué de vous, c'est pour se protéger psychologiquement, eux, et aussi pour se conforter dans leur position sociale, au fond, mais aussi leur façon de voir, de se rassurer entre eux. Parce que si vous avez raison d'avoir enlevé ça, eux sont dans la merde. Ça veut dire qu'ils sont coupables, si je puis dire. Au niveau, il va y avoir, si on peut dire, une dette karmique par rapport à ça. Donc, conformer. Ouais. Ben oui. Ça, il y a du monde qui ont mis la carte d'identité dans le micro-ondes pour enlever la silice de la carte. Vous savez, vous avez juste besoin d'un très puissant aimant. Puis vous démagnétisez votre carte. C'est-à-dire qu'il y a des petites composantes microscopiques dans la pastille qui vont être. Vous savez, là, tout ce qui a rapport avec le contrôle populationnel va être lié à des lois magnétiques. Que les gens qui opèrent cette technologie-là s'en rendent compte ou pas. Mais ça a tout le temps été comme ça. C'est pour rien que. On mettait le profil d'un souverain sur les pièces de monnaie, entre autres. Mais c'est des lois magnétiques. C'est si vous voulez, il y a aussi des lois de fréquence, de sympathie fréquentielle, puis de bon. Mais juste un bon aimant, là, juste avec un puissant aimant, vous pouvez faire beaucoup de dommages. Quand j'étais enfant, j'avais un aimant comme ça. Puis j'étais capable de rendre des télévisions inopérantes. tellement c'était un aimant fort, le poste ne fonctionnait plus normalement après. Mais là, c'est, vous savez, les vieilles télés à tube cathodique. Et bonjour, l'oiseau moqueur. J'ai pas compris ton affaire pour le camp. CAMP, mais j'avoue que des fois, je perds la mémoire à mesure. Et si on donnait juste pas d'importance à la pastille? Ben oui, c'est comme moi, vous savez, j'ai une carte d'assurance sociale comme tout le monde, puis je m'en fous. Le chakra de la gorge, c'est lequel? C'est la parole. Non, la vraie parole, c'est lié au vibratoire, si on peut dire. Donc, comme. En tout cas, il m'était venu quelque chose dernièrement sur ça, puis je l'ai perdu, mais c'était lié par rapport à la parole. On dit quoi que la parole est d'or, puis entre autres. Mais il y a des choses là-dedans. Inconsciemment, on sait beaucoup de choses. C'est juste qu'on ne sait pas qu'on le sait. On est très intelligent, puis on ne le sait pas. Fait qu'on est niaiseux aussi. En tout cas, il y a une poudre blanche si on gratte nanoparticules. Ah, ben là, il ne faut pas non plus. Ça vous démange donc bien, cette carte-là. Arrêtez de gratter ça. Quel que soit le plan, nous sommes dans l'occupationnel. Ben oui. Ben ça fait longtemps que c'est commencé, tout ça. Même quand j'étais très jeune, il y a beaucoup de choses que j'ai dit, étant adolescent et jeune adulte. Aujourd'hui, les gens de mon entourage se rendent compte que c'était vrai. Tout est en train d'arriver. Donc, oui, c'est certain que vous verrez de plus en plus le passeport papier. Les fonctionnaires des nations vont tout faire pour que ce soit extrêmement difficile de renouveler vos passeports, d'avoir des passeports pour toutes sortes de raisons. Mais c'est lié à des décisions en haut d'eux. Ils veulent finir par éliminer le passeport papier de la même façon qu'ils veulent finir par éliminer votre carte. C'est pour ça que je vous dis, votre carte n'est pas si pire, elle est encore en dehors de vous. Il n'y a pas encore de loi comme ici, il faut pucer les animaux. C'est un règlement municipal. Les gens qui ne veulent pas sont obligés de garder leurs animaux chez eux, puis d'essayer de les cacher à la ville. Mais à un moment donné, ça va aller jusqu'où ça? On commence par les animaux, après ça va être les personnes âgées, après les enfants, après ça va être nous. Quel que soit le plan, oui. Ah ben de rien, Franck. Je ne sais pas pourquoi vous me remerciez là. Mais en ce moment, je m'exerce à la déprogrammation neurolinguistique qu'ils nous ont infligée. Oui, celui qui contrôle le langage contrôle beaucoup de choses. C'est pas pour rien que l'Église tenait tant à avoir entre ses mains l'éducation, puis qu'aujourd'hui, ce sont les États qui veulent à tout prix regarder les programmes onusiens d'enseignement. Les conneries. Okay. On a affaire à de la corruption, tout simplement, dans le sens ancien du terme. En France, les cartes d'aujourd'hui sont numérisées avec une puce. Oui. Oh, oui, je suis au courant. Ah, pour la réponse. Ah. Ben oui. Mais ils pourront pas, je veux dire. Tout ça va finir par pas fonctionner, ne pas fonctionner. Ça peut pas faire autrement que de ne pas fonctionner. Donc, comme je vous avais dit, j'ai pas beaucoup de temps. Je vais devoir bientôt arrêter le live, là, malheureusement. Mais je voulais au moins faire un petit quelque chose, là. Dire un petit quelque chose, comme quoi de pas non plus s'apitoyer sur mon jardin, là. C'est pas plus grave que ça. Je vais le faire ailleurs à un moment donné, c'est certain. C'est, vous savez, là, par rapport à. Qu'est-ce qu'il disait, là, Voltaire, à la fin de Candide, vous savez, je ne suis pas un fan de Voltaire, mais alors pas du tout. Mais à la fin de son Candide, il dit qu'il faut cultiver son jardin. Le petit Candide passe toute sa vie à avoir de la souffrance expérimentale pour finir par dire qu'il faut cultiver son jardin. Mais pour ça, il faut avoir un jardin. Mais il n'y est pas, c'est une métaphore, c'est une figure, dans le sens qu'il est question le jardin. Je ne sais pas, c'est vous le jardin. Dans le sens cultiver son jardin, si on enlève le côté ancien qu'on pouvait donner au niveau des humanistes, de cultiver par l'intellect, entre autres, et puis aussi le côté qu'il pouvait y avoir par rapport à l'âme, ben, On sait cultiver son jardin, ça veut dire être capable de rentabiliser la souffrance expérimentale pour intégrer. Pourquoi tu n'as pas publié ton dernier live? Parce que j'y disais des choses tellement sensibles qui pouvaient être sorties de leur contexte. Puis en le réécoutant, ça m'a dit intérieurement de l'enlever. Ça m'a dit intérieurement de l'enlever, puis ça me disait, t'en dis trop, là. Ça va être mal interprété. Donc je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé, pas pour des raisons. C'est un peu de l'autocensure, mais pas pour des raisons de cacher ce qui était dit ou tout simplement parce que c'était peut-être pas tout ajusté, puis ça manquait de nuances. Il y a des choses, il aurait fallu que je prenne une par une, puis que je remette dans leur contexte, comme par exemple quelqu'un à un moment donné. Qu'est-ce qui m'a été dit? C'est le problème d'une mémoire comme la mienne. Je ne peux pas me permettre de travailler avec la mémoire tant que ça. Je me rappelle même plus. Mais il y a une personne qui est venue sur le chat, puis que finalement, ça m'a fait parler à un niveau qui aurait pu être sorti de son contexte. Puis ça devenait désajusté. Ce n'était pas ajusté. Donc, j'ai préféré l'enlever. J'aurais pu le prendre puis couper des bouts. Mais là, c'est, on aurait perdu les commentaires du chat, puis je trouvais ça trop dommage, ça devenait trop difficile. Donc oui, je l'ai enlevé, c'est moi-même qui l'ai enlevé. Il y en a qui ont pensé que j'avais été censuré, non. Ça m'est arrivé d'être censuré, mais jamais sur ma chaîne. Pourquoi? Ben, j'imagine que... Parce que je le sais, là, que... C'est certain qu'on doit, je dois être écouté, entre autres, par des gens, des fonctionnaires, on va le dire sans guillemets, qui me considèrent possiblement comme un idéologue de l'extrême droite ou je sais pas quoi encore, là, les cartoons qui se pètent. Ils n'ont pas compris qu'ils travaillent, eux, pour l'extrême droite. Nos gouvernements sont totalement corrompus, entre autres par des lobbyistes qui se déclarent pas, puis des corporations. Puis quand il y a une fusion autoritaire entre l'État puis des grandes compagnies qui ont des monopoles, c'est du fascisme, ça. Donc l'extrême droite, c'est eux autres. L'extrême droite, c'est le gouvernement, au fond. La vraie, là, une vraie extrême droite, comme par exemple les nazis, ça c'est de l'extrême gauche. Hein? National-socialisme, social. Puis si on regarde les politiques qui ont été faites, c'était des gouvernements d'extrême. Il n'y a jamais vraiment eu de. Même le concept d'extrême droite devrait être vu, là. Parce qu'est-ce qu'il y en a vraiment eu? Qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme tel? Les gouvernements, au fond, qui représenteraient des âges d'or. Et là, ça viendrait brouiller les choses. Donc. Le jardin, c'est un excellent moyen de se grounder, ce qui est nécessaire, même vital ces temps-ci. Oui, puis il semblerait que l'expérimental veut que j'apprenne à me grounder autrement. Donc, je vais essayer. On doit faire attention parce qu'objectivement, on te place sur un autre niveau. On peut être adulé. Je pense pas être adulé. J'ai fait beaucoup d'efforts pour être un petit peu. En tout cas, pour que ça arrive pas, là. Merci pour cette réponse. Oui, ils ne veulent pas qu'on réveille trop le bain. Eux-mêmes dorment. Fait qu'ils savent même pas, dans le fond, ce qu'ils veulent pas. Eux, ce qu'ils considèrent, c'est qu'il faut contrôler ce qui est dit parce que c'est dangereux. Puis, au niveau, par exemple, de la pensée woke, eux, ils sont pas dans l'argumentation, ils sont dans le canceling. Carrément. Ils veulent même pas, bon. Fait que ça donne à rien. De toute façon, moi non plus, je suis pas très dans l'argumentation. Fait que on peut aimer une personne, mais il faut jamais aduler. Ben ça, c'est vrai. C'est parce que prenez les bébés boomers là, quand ils vont voir des spectacles là, avec des vieilles vedettes has-been du temps de jeunesse d'aujourd'hui, ils appellent ça comment? Le retour de nos idoles. C'est quoi une idole? Une idole, c'est une forme qui sert à synthétiser le divin. Comme les statuettes de l'Antiquité qui servaient à... Donc oui, il y a quelque chose dans aduler de qui que ce soit peut être dangereux. Mais là, il faut comprendre ce qu'il y a derrière les formes de ça. C'est quoi de l'idolâtrie à ce niveau-là? Il y a toujours une perte pour d'individualité dans l'idolâtrie. Si on se met à aduler des humains, on est fait. En effet, c'est toujours par ça qu'on s'est fait avoir. Ça va passer par. Qu'est-ce qui est écrit dans N'aie pas foi en les hommes. Mais ça ne veut pas dire de ne pas croire en des humains, c'est pas ça qu'il dit, dans le fond. Mais au niveau, à certains niveaux, là, certains subtils, de pas jamais, jamais, jamais mettre sur un piédestal qui que ce soit. Oui, c'est ça, se grounder autrement, par la force des choses, il n'y a pas de cadeau. Trop dans l'intégration, non, il n'y en a aucun, je dirais. Soyez prudents. Ah, je suis obligé de vous laisser. Donc, au revoir.